Audiomatique. Spiky, black, hard-edged. Formation canadienne Skinny Poppy lançait cette transmission d'Audiomatique grâce à sa pièce Death tirée de l'album The Process sorti en 1995. Mentionnons au passage que Skinny Poppy entame une tournée nord-américaine qui s'étalera sur les mois d'avril et de mai 2023. Et pour poursuivre cette transmission 4-3-3, Nous allons entendre une collaboration entre le duo Local Suicide et le projet Curses. Thank you. Audiomatic, c'était le groupe britannique The Move, de qui on entendait la chanson Open Up, Set the World at the Door, de son deuxième album Looking On, lancé en 1970. The Move a existé de 1965 à environ 1972 pour devenir par la suite Electric Light Orchestra. Précédemment à The Move, et ce qui amorçait par le fait même ce bloc musical, était la collaboration entre le duo gréco-allemand Local Suicide et le projet américain Curses, de leur mini-album Magia, qui sera lancé le 24 février 2023. Nous entendions la pièce It All Sounds the Same. C'est avec l'artiste André de Coningue qu'on entame la prochaine séquence musicale. Audiomatic, nous venons d'écouter le projet Humanoid mené par le Britannique Brian Dawkins. Du premier album d'Humanoid intitulé Global et paru en 1989, nous entendions la pièce Sunshine and Brick, sur laquelle on peut d'ailleurs entendre chanter Gary Cobain, avec qui Brian Dawkins formera quelques mois plus tard la célèbre formation The Future Sound of London. Avant Humanoid, nous entendions le pianiste de jazz Herbie Hancock dans sa phase davantage électro-funk. De l'album Future Shock, paru en 1983, les sonoristes ont choisi de faire jouer la pièce Earth Beat. Soulignons que Herbie Hancock offrira un concert à la Maison Symphonique le 3 juillet 2023 dans le cadre du Festival de jazz de Montréal. Et pour ouvrir la séquence, c'était l'artiste André de Coningue et sa pièce Party Talk tirée de l'album Common Mode, sorti en 1983. Cette pièce apparaît aussi sur la compilation Additive Noise Function, produite par l'étiquette de disque Cherry Red. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste américaine Suzanne Vega. Came to Jacob, the room began to glow. Jacob asked the angel, are you friend or are you foe? Angel never answered, smote him on the thigh. He wrestled through the darkness, the morning filled the sky. This thing between us has wings, it has teeth, it has got horns and feathers and sinews beneath. Angel or demon, to the truth I am. So this thing between us must be wrestled down. Jacob held on to the angel, who turned to fly and to flee. He said, I must have your blessing before I let you leave. Through the darkness till morning filled the sky. And in the light he knew his other name, as he struggled and surrendered to the next part of the game. This thing between us has wings, it has teeth, it has got horns and feathers and sinews beneath. Angel or demon, to the truth I am bound. So this thing between us must be wrestled down. This thing between us has wings and has teeth, has got horns and feathers and sinews beneath. Angel or demon, to the truth I am bound. So this thing between us must be wrestled down. avions droit à Audiomatic au groupe torontois Freedom or Death. De son mini-album homonyme paru en 2010, nous écoutions la pièce Soldier. Précédemment à Freedom or Death, nous avons entendu le défunt projet Low Roar qui était mené par Ryan Karazia, qui est malheureusement décédé le 29 octobre 2022. À l'âge de 40 ans. Du premier album homonyme de Low Roar, nous vous avons présenté la chanson Nobody Else. Et pour amorcer ce segment musical, c'était l'artiste américaine Suzanne Vega de son 8e album studio Tales from the Realm of the Queen of Pentacles, sorti en 2014. Nous vous avons offert la chanson Jacob and the Angel. C'est sur la musique du groupe Los Prisioneros que se conclura cette transmission d'Audiomatic. La pièce Poder Elegir apparaît sur l'album La Cultura de la Basura, publié en 1987. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Los Prisioneros et la pièce Poder Elegir. C'était Audiomatic avec les sonoristes. No sabe.